بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نخوض المسألة الخامسة وأربعين، 45 مسألة، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. Où il dit, Allah Azza wa Jalla dans le sens: Ô vous qui avez cru, craignez Allah à sa juste valeur, de plein droit, comme il le mérite, pleinement. Verset 102, Al Imran. قال المؤلف رحمه الله تعالى: هذه الآية تدل على التشديد البالغ في تقوى الله تعالى، وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك، وهي قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. Donc ce verset dans son apparent laisse montrer justement l'insistance et la sévérité quant au fait d'avoir la crainte pleine et complète d'Allah Azza wa Jal. Complète, c'est-à-dire aucun manque et aucune brèche. Et d'autres versets sont venus, ou plutôt un autre verset est venu, démontrant l'opposé de cela, ou Allah dans le sens où il dit, et craignez Allah comme vous le pouvez. Ta'aboun, verset 16. Et il est connu que Allah dans le Coran dit, que l'homme a été créé faible. Donc, ça t'a quoi ? Forcément, on ne sera jamais à la vraie valeur qu'Allah Azzawajal mérite. Donc de là, l'autre verset est venu disant, craignez Allah comme vous le pouvez, à savoir que vous êtes faible. Qala al-jawab bi amrayn. Anna ayata fattakullaha mastata'tum nasikhatun liqoulihi ittaqullaha haqqa tuqatihi. Que ce verset-là, craignez Allah comme vous le pouvez, et abroge le verset cité dans la mas'ala qui est craignez Allah à sa juste valeur comme il le mérite pleinement. Et ça, c'est l'avis de plusieurs Mufassirin qu'il cita, et parmi des gens de science. Parmi eux, Saïd ibn Jubayr, ou Abu al-Aliya, ou Rubayr ibn Anas, ou Qatada, ou Muqatil ibn Hayyan, et d'autres. Donc ça, c'est la première réponse, c'est-à-dire que le verset est abrogé. Deuxième réponse. أَنَّهَا مُبَيِّنَةٌ لِلْمَقْصُودِ بِهَا. C'est-à-dire que le deuxième verset est venu démontrer c'est quoi qui est venu par le fait de le craindre comme il se doit, c'est-à-dire de le faire comme vous le pouvez en fait. Le deuxième verset est venu éclaircir quel est le sens voulu par le fait de craindre Allah de son plein droit comme il le mérite pleinement, c'est-à-dire de le faire autant que vous le pouvez. Et il dit Al-ilm indallah, la science de savoir auprès d'Allah Azza wa Jal. Non. Fadil mas'ala kanat qasira. ونكتفي بها والحمد لله رب العالمين